arrivé. What's happening, Toronto? You're listening to Super Question here on CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu, and I'm going to be with you until the end of the hour. I'll be playing some French language punk, ska, and hardcore for you. It's going to be a great show. And before I start off, I want to announce an event that'll be happening tomorrow, May 22nd at 2 p.m. It's going to be Rally in March in solidarity with the student strike that's going on in Quebec. That's been going on in Quebec for 99 days. Tomorrow will be the 100th day. So if you're in Toronto, show up to Heart House tomorrow, 2 p.m., it's located on the U of T campus to show your solidarity with the student strike that's going on and against Law 78, that anti-protest repressive law that Jean Charest brought in. So go there, show up, let's be loud, let's be many, and let's show the system that we will not stand by and let them trample on our rights. C'était parti de la jeunesse par la souris déglinguée. Ici, à sous pression, aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Moi, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure et je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Comme j'ai dit, on a commencé avec la souris déglinguée, la chanson partie de la jeunesse, tirée de l'album Aujourd'hui et Demain. Avant de commencer, je vais faire une petite annonce d'un événement qui se passe. Si vous êtes à Toronto, cette semaine, parce que cette semaine, ça va marquer le centième jour, le 22 mai, de la grève étudiante qui se passe au Québec, qui a commencé au mois de février dernier. Alors, il se passe des grandes manifestations qui vont se passer le 22 à Montréal. Et à Toronto, il y a du monde qui organise un ralliement et une manifestation en appui à une manif de solidarité avec la grève étudiante et bien sûr avec le mouvement contre la loi 78, la fameuse loi Matraque qui a été mise en place par le gouvernement Charest au Québec afin de supprimer les manifestations, de limiter le droit de manifestation, le droit de l'expression, le droit de s'exprimer publiquement et de manifester. Alors, c'est important, si vous êtes à Toronto, d'assister à la manifestation, si vous pouvez. Ça se passe, bien sûr, le 22 mai à 14h au Hart House. C'est situé sur le campus de l'Université de Toronto. Alors, 14h le mardi 22 mai. Désolé, si vous écoutez à Yellowknife, l'événement sera déjà fini par le temps que vous écoutez l'émission. Mais c'est ça, je continue avec de la musique, je continue avec un groupe, je suppose pour rentrer dans continuer avec le thème de contestation, le groupe Yuka, de leur album « Quand fin souffle, le vent de la contestation », je vous fais jouer la chanson « Résiste », tirée de cet album-là, un petit hommage à tous ceux qui résistent pour un meilleur monde. Alors voici Yuka à sous pression. Social, aliénation mentale, passée. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, zone CHL Y, 105.5 FM à Toronto, le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Viens écouter du Yuka, la chanson Résiste de l'album Quand fin souffle avant la contestation. On va continuer avec une autre chanson par La Gâchette, cette fois-ci une chanson un peu plus vieille de leur album Ne renoncera pas, la chanson Insoumission par La Gâchette ici à Sous Pression. Do Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, zone du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer Spunk, Disguise, Hardcore, tout en français. On est rendu à mi-chemin de l'émission. Je vais vous faire un petit rappel des chansons qu'on fait jouer dans le dernier bloc. Alors, on a commencé avec La Gâchette, la chanson Insoumission, tirée de leur album Ne renoncera pas. La Gâchette vient de sortir un nouvel album. Ça fait un peu plus de deux mois, là, au mois de mars, l'album À travers le temps, accompagné d'un DVD. Et je viens tout juste d'avoir la chance. J'ai pris le temps, en fin de semaine, pour l'écouter, le DVD. Et c'est bon, c'est super bon. Surtout... je vous encourage de vous procurer le DVD ainsi que le CD. Le DVD, il y a deux petites vidéos de 20 à 30 minutes. Qui porte sur leur tournée en Europe, l'autre sur leur tournée au Mexique. C'était super intéressant. C'était le fun d'écouter, les voir jouer live ailleurs dans le monde, en Europe et au Mexique. Et surtout au Mexique, c'était assez incroyable. Et j'ai fait une entrevue avec le groupe il y a quelques semaines au Rebel Fest à Hamilton. Ils ont parlé de... Quand il était au Mexique, c'était le premier groupe canadien depuis comme les années 90 qui sont allés au Mexique. Alors, le monde là-bas était très accueillant, puis ils sont venus en grand nombre, puis ça se voit vraiment dans les clips live de leurs concerts. Ils ont une grande salle avec juste pactée. Puis si on compare ça à quelques instants en Europe, les salles étaient un peu moins grandes et un peu moins pleines, mais au Mexique, vraiment, là, ça devient clair que la présence de La Gâchette est bien appréciée. Là-bas, il y a une bonne scène, là-bas au Mexique. La Gâchette, on a écouté Les Marmottes Aplaties, la chanson Fusil de l'album Décadent. Maladroit, après ça, avec Jeter la clé de leur album Joker Lord. J'ai fait jouer cette chanson-là parce que Maladroit est au Canada en ce moment. Ils ont fait des concerts à Montréal dans le cadre du Pouza Fest. Et on vient d'écouter, ils seront dans le sud de l'Ontario à la fin du mois, le 28 mai et le 29 mai. Le 28 mai, ils seront au Bovine Sex Club ici à Toronto. Le 29 mai, ils seront au Casbah Lounge à Hamilton. Moi, je serai malheureusement pas en ville, alors je pourrais pas aller les voir. On a fait une entrevue avec le Maladroit l'année passée quand ils ont joué. Mais je suis très déçu que je pourrais pas aller les voir soit le 28 ou le 29. Je serai pas en ville, malheureusement. Alors, je pourrais pas être là, mais je vous encourage fortement d'y aller si j'ai plus de nouvelles apportant sur ces concerts-là. Je vais vous les partager sur le site à travers l'Internet, le site Facebook de l'émission et le site Internet de l'émission. Le site Internet, c'est le www.souspression.wordpress.com. Oh non! J'ai pas fini de faire les chansons dans le dernier bloc. Éric Panic, après Maladroit, la chanson À quoi on joue, Bonne journée après ça, avec les punks nous aiment pas. Et on vient d'écouter Les Vieilles Salopes avec Mort à la guerre de leur album Aime-moi tendre, aime-moi vrai. J'avais tellement hâte là, de vous rappeler que l'émission est un site web que j'ai oublié de mentionner les autres chansons. Sur le site web souspression.wordpress.com, vous pouvez écouter l'émission à partir du site web en format podcast. Vous pouvez la télécharger si vous voulez, la porter avec vous, la brûler sur un disque, faire ce que vous voulez avec. Et aussi, si vous êtes sur Facebook, facebook.com/sous-pression, vous pouvez visiter le site Facebook de l'émission où on met en ligne l'information concernant le monde du punk, Skies Hardcore francophone. Et si vous êtes partie d'un groupe ou si vous voulez partager de la musique, vous voulez faire une demande spéciale, faire des commentaires ou juste communiquer avec nous, ça se fait par courriel souspression@chry.fm, souspression@chry.fm. Et c'est ça les annonces que j'ai à faire en ce moment. Je continue en musique, une chanson par un groupe, Les Camionneurs du Suicide, qui existe depuis quelque temps, mais qui ont sorti un album, peut-être un an ou deux. L'album s'appelle Bonne soirée, je viens tout juste de l'entendre pour la première fois. Je vais faire jouer un morceau de cet album-là. La chanson s'appelle Les Fusils de Belleville. Alors voici Les Camionneurs du Suicide, un excellent groupe, super engagé politique. Alors voici Les Camionneurs du Suicide ici à Sous Pression. Maintenant il reposera. Mon père a honte de moi. Me dit que je suis un clair dans les lieux. plus de raison. Et les morts sont des cons. Et moi aussi maintenant, je suis sur leur tombe. Pour dernier rendez-vous de tout ce qui leur reste. Un bout de cimetière et cette fierté que je déteste. Voilà. Voilà. Adieu. C'était les esclaves salariés avec Je reste fort ici à sous pression aux ondes CHRY 105.5 FM à Toronto. Et si vous êtes à Yellowknife dans le grand beau nord canadien, vous nous écoutez au CIVR 103.5 FM. Alors, je vous laisse avec une dernière chanson, j'ai le temps, mais faire un petit retour avant ça sur le chanson qu'on écoutait dans le dernier bloc. On écoutait plein de bonnes tunes. On vient d'écouter les esclaves salariés, comme j'ai dit, du Banlieue Rouge avant ça avec Olaf, Jeunesse Patrick avant ça avec Ce n'est pas un jeu tiré de leur album Black Block and Roll. Pogo Marteau avant ça avec Lève le poing et tend le doigt, un petit bon message au gouvernement Charest. Aussi avant ça avec Tuer à Paris, les camionneurs du suicide avec les fusils de Belleville, et c'était ça, on a commencé avec ça. Alors, je vais vous laisser avec une dernière chanson par Soul and Spirit, le groupe de reggae de ska de Montréal qui n'existe malheureusement plus, mais qui nous a laissé avec un bon EP, une allumette sortie un peu plus tôt cette année et qui est disponible à partir de leur site Bandcamp. Faites une petite recherche sur l'internet, vous pouvez la trouver, la télécharger gratuitement. Et je viens juste de voir sur l'Internet que classe la Coalition Large pour une association de solidarité syndicale étudiante. Un des syndicats étudiants qui mène la grève étudiante au Québec en ce moment, vient juste dire qu'ils vont défier un peu la loi et appellent à désobéir la loi 78. Ils vont préparer un défi légal. Ils vont contre la loi 78. Alors, je leur souhaite bonne chance à eux, voir ce qui va se passer avec ça. Je vais continuer maintenant avec Soul and Spirit. Je vous laisse avec cette chanson-là. Et un petit rappel, si vous êtes à Toronto ou le 22 mai, mardi, soyez au Heart House à 14h pour une manifestation en solidarité avec le mouvement étudiant au Québec. Alors, voici Soul and Spirit sous pression.